Chapitre 27. Il faisait sombre et il pleuvait à torrents ce soir-là, ce qui n'empêchait pas la foule de l'heure de pointe d'envahir les rues, débordant des trottoirs dans le balai des phares et la lueur des feux, passant du vert au rouge et du rouge au vert. Quatrième arrondissement de Paris, rue de Rivoli, près de l'hôtel de ville. Un quartier dont la population sortait même quand il pleuvait, avait de bonnes raisons de sortir, parce qu'il y avait là à peu près tout ce dont le reste de l'humanité rêve. De bons restaurants, des bars cosy, des boutiques vendant tout et n'importe quoi, des galeries d'art, des supérettes bio, un bazar sur 6 étages plus un sous-sol pour le bricolage. Servaz n'avait jamais vécu à Moscou à l'époque soviétique, ni à Kaboul, ni à Mogadiscio. Mais il savait que les gens d'ici, ceux-là même qui parlaient de décroissance et de frugalité, étaient parmi les plus privilégiés de cette planète et n'avaient pas la plus petite idée de ce qu'était vraiment la frugalité. Ils traversèrent la rue de Rivoli au milieu du flot des voitures roulant au ralenti, par choc contre par choc, sous une pluie battante. Remontèrent la rue du Temple, puis la rue de la Verrerie, passèrent devant des terrasses désertées sur lesquelles les hauts vents de toile malmenés par l'orage se vidaient en cataractes bruyantes. Mais les intérieurs étaient bondés. Rue des Archives, Servaz vit l'enseigne clignotante. Il se serait plutôt attendu à trouver le cabaret rouge du côté de Pigalle, rue Frochot par exemple, entre le Lipstick et le Dirty Dick. « Ok, » dit Pierrat, « vous me laissez parler, d'accord ?» Pierrat était un colosse dans la cinquantaine, visage taillé à coups de burin, poitrail gigantesque, nez fort et petits yeux gris striés de rouge, portant été comme hiver des vestes kaki et des pantalons pleins de poches. Il aurait pu reprendre le rôle de Gene Hackman dans un remake de French Connection. Servaz avait oublié son prénom. À l'école de police déjà, on l'appelait Pierrat. Sans doute parce que son patronyme collait avec son côté minéral. Mais Martin avait pu vérifier plus d'une fois que cette apparence monolithique cachait une grande vivacité d'esprit. Ils poussèrent une porte noire et pénétrèrent dans une grotte toute de velours rouge, de moquette épaisse et de lumière tamisée. Un espace réduit qui vibrait aux pulsations d'une basse provenant de derrière le rideau sur leur gauche. Au fond, un comptoir et une jeune femme vêtue d'un fourreau or, remarquablement pâle et fluette. « Arcane est ici ?» dit Pierrat. « Qu'il demande ?» Pierrat le lui dit. La jeune femme disparut par une porte dérobée. Espérant Dieu écarta le rideau et jeta un coup d'œil dans la salle. Il était encore tôt, elle était vide, à l'exception de 3 personnes sur la scène, embrasée par plusieurs projecteurs. Dans le flot de lumière, elle réglait un assemblage complexe de crochets, de câbles et de tenseurs descendant du plafond. « Suspension », se dit-il, ça devait constituer le clou du spectacle. Quand Arcane surgit par la petite porte derrière le comptoir, Servaz écarquilla les yeux malgré lui. C'était l'un des êtres les plus bizarres qu'il eût jamais contemplé. Le patron du cabaret rouge était si haut et si maigre qu'il ressemblait à un grand sac d'os. Il devait dépasser les 2 mètres. Son visage se présentait sous la forme d'un très curieux assemblage de méplats et de saillies dont le moindre centimètre carré était enseveli sous les tatouages et les piercings, parmi lesquels un septum d'argent incurvé qui reliait ses narines et un pont traversant l'arête du nez en dessous des arcades. Son crâne pointu était rasé et tatoué, lui aussi, les tatouages donnant à sa peau l'apparence d'une dentelle ou d'une mosaïque. Ses prunelles étaient en outre recouvertes de lentilles rouges, qui faisaient brûler son regard d'une flamme tellement intense que Servaz se sentit légèrement déstabilisé en l'affrontant. C'était sans nul doute l'effet souhaité. « Salut Arcane !» dit Pierrat sans s'émouvoir. « On peut parler tranquillement ?» L'apparition portait une longue robe noire à bretelles qui laissait nues ses épaules et ses bras squelettiques, mais qui couvrait ses jambes. La poitrine creuse était voilée de tulle. « T'as quel sujet ?» demanda Arcane d'une voix aiguë et râpeuse. « Pas ici. Suis-moi, tu connais le chemin. » Arcane. Arcane. Étymologiquement, Servaz, en bon latiniste, le savait, le mot dérivé du latin arcanus, qui signifie secret. Il désignait une chose mystérieuse, connue des seuls initiés, ou bien, en alchimie, une préparation réservée aux adeptes. C'était aussi le nom donné aux cartes du tarot divinatoire et à l'explication, gardée secrète, d'un numéro de prestidigitation. Servaz trouva que le terme était approprié. Il y avait tant de mystères dans cette affaire, sans compter le tour de magie de Jonas Résimon, le passe-muraille. Il était convaincu que pour l'état civil, Arcane était doté d'un nom terriblement banal. Tant de gens cherchent à s'inventer d'autres vies. Arcane franchit le rideau, et ils le suivirent. Un autre personnage était monté sur scène. Pantalon de latex noir, torse nu, musclé, ceinture dorée. Il inspirait et expirait les yeux clos. Souffle. Concentration. Une des personnes manipulant l'assemblage de câbles et de crochets approcha les hameçons de son dos, la lumière les fit briller, et montra les points d'entrée où ils seraient enfoncés sous la peau pendant le spectacle. Servaz déglutit. Après avoir suivi un couloir étroit et sombre, ils débouchèrent sur une petite pièce qui évoquait à la fois un bureau et un cabinet de curiosité. Les murs, peints en noir, étaient recouverts de très nombreuses photos où apparaissait Arcane en compagnie de personnalités du monde de la nuit, mais aussi du showbiz et de l'art. Ils reconnurent plusieurs visages, actrices, acteurs, présentateurs télé, politiques. Le plafond était un ciel étoilé fait d'une multitude de petites diodes comme celui de la salle. Derrière des vitrines illuminées, Servaz aperçut des crânes de mammifères et d'oiseaux, mais aussi un crâne humain les contemplant de ses orbites mortes. « Bon alors, » dit Arcane en s'asseyant derrière le bureau au milieu du bric-à-brac. « C'est quoi l'objet de votre visite? D'habitude, il s'agit plutôt de contrôle sanitaire ou de l'OCLTI ?»« L'Office central de lutte contre le travail illégal. » Pierrat hocha la tête. « Ça rigole pas cette fois, Arcane, » dit le flic parisien. « Il s'agit d'un meurtre. » Les yeux du géant s'agrandirent. « Un meurtre? Quel genre ?»« Le genre où le mec est mort, » répondit Pierrat. « Stan Duveltz, ça te parle ?»« Non, c'est qui ?»« Pourtant, il fréquentait ton établissement, c'est sa sœur qui nous l'a dit. » Pierrat tendit une photo au géant tatoué. « Ah oui, Stan, ça fait un moment qu'il n'est pas venu. Il venait quand on organisait des fêtes thématiques sur le body art, je m'en souviens. Il travaille dans le cinéma, si ma mémoire est bonne, mais il était différent à l'époque. »« Différent comment ?»« Eh bien, vous savez, » dit le sac d'os en montrant son crâne et ses bras, « il se faisait greffer tout un tas de trucs partout. Chaque fois, il en avait un nouveau. » Il fit mine de réfléchir. « Mais ça fait un bail que je l'ai pas vu, au moins 2 ans. Il a tué qui ?»« Non, lui, c'est la victime, » rectifia Pierrat. « Et qu'est-ce que ça a à voir avec le cabaret rouge ?»« C'est ce qu'on cherche à déterminer, peut-être nada, peut-être quelque chose. »« Attendez, » dit Arcane en se levant et en s'approchant du mur de photos. « Tenez, il est là, votre Stan. » Ils se rassemblèrent autour de lui, se penchèrent sur la photo encadrée parmi des dizaines de clichés. 4 hommes. Arcane, Stan Duveltz et 2 autres. Le premier est mince, la trentaine, taille moyenne, complet gris et lunettes, qui aurait pu être celle d'un comptable ou d'un trader. L'autre, plus grand, presque autant qu'Arcane. Brun, bel homme, si on aimait le genre ténébreux, vêtu d'une extravagante cape noire. « C'est qui ces deux-là ? » demanda Pierrat. « Lui, c'est Maximilien Rennes, » répondit le gérant en désignant l'expert comptable. Créateur et animateur de la chaîne MAD sur YouTube, où il parle de cinéma d'horreur, de musique métal, de body art, de tout ce qu'il appelle les arts de l'excès. Un fric, comme nous tous, conclut Arcane en laissant échapper un petit rire. Il vient quelquefois. Et celui qui a l'air tout droit sorti d'entretien avec un vampire, demanda Espérant Dieu, en désignant le grand brun à la chevelure ample et à la cape noire. Arcane haussa les épaules maigres. Je ne connais pas son vrai nom, il vient de temps en temps, on l'appelle Valek. Valek. Arkan les toisa de ses iris écarlates. Carrément flippant, songea Vincent. C'est le nom du chef des vampires dans un film de Carpenter. Vous savez, celui où James Wood chasse les suceurs de sang au Nouveau-Mexique. Seul Espérant Dieu acquiesça. On a tous des sobriquets ici. Je vous ai dit qu'on est tous des frics. Subitement, il le vit redevenir sérieux. Je n'ai jamais aimé ce type, maintenant qu'on en parle. Il y a chez lui quelque chose de... je sais pas... de pas net. Stan venait tout seul? Voulut savoir Pierra. Arkan hocha la tête. Sauf une fois où il est venu avec une femme, je m'en souviens parce que c'était une vraie harpie et qu'elle nous a carrément traité de cinglés. Servaz sortit la photo de Victoire Duvels. C'est elle. Servaz montra le cliché des quatre hommes sur le mur. Ça vous dérange pas si on l'emprunte? Si vous me la rapportez, dit Arkan en tirant la photo de son cadre. Tu as l'adresse de Soren? Demanda Pierra. Et de ce Valek? Celle de Rennes, oui, je l'ai quelque part, il a parlé de nous sur sa chaîne. L'autre, personne ne sait où il crèche ni dans quoi il trempe. Il retourna derrière son bureau, ouvrit un tiroir et sortit un agenda. Vous prendrez bien un peu de champagne avant de partir? Pierra mit une seconde de trop à répondre. Pas ce soir, dit-il. Il pleuvait toujours quand ils ressortirent. Alors qu'ils traversaient la rue, balayés par l'averse, un rat les imita, mais en sens inverse, un peu plus loin. « Je crois que vous avez le même problème que nous avons à Toulouse », commenta Vincent en remontant son col sur sa nuque ruisselante. Pierra ricana. « Quand des journalistes ont soulevé le problème à la mairie, une conseillère a répondu qu'on ne devrait pas appeler les rats des rats, que c'était trop connoté négativement, qu'il faudrait dire « surmulot ». Des fois que les rats eux-mêmes s'en émouvraient, vous comprenez? Elle a aussi répondu que les rats sont nos auxiliaires dans la maîtrise des déchets. C'est pas beau, ça? C'est une blague, pas vrai? Réagit Espérant Dieu les yeux ronds. Pas du tout.